Je me demande, moi, s'il est absolument nécessaire au compositeur Eliane Radig de projeter ses œuvres hors elle-même. D'une certaine façon, oui, pour m'en débarrasser. Mais encore. C'est un mode de sevrage. C'est pourquoi vous avez choisi Adnos, vous n'êtes pas encore sevré. Eh bien, j'ai peur que non. J'espère que cette fois-ci, ça va y être. Mais c'est une œuvre qui m'a hantée, habitée très très très longtemps. Et puis c'est une hantise qui dure, parce que cette œuvre a quand même été diffusée publiquement 4 ou 5 fois à Paris, à New York, à San Francisco, à Los Angeles, et je n'en suis pas encore débarrassée. Alors croyez-vous qu'aujourd'hui, vous allez vous en débarrasser ? Bien, je vous dirai cela après, cher Jean. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'à vos yeux, Adnos existera réellement. C'est à partir de ce moment-là que l'existence d'Adnos n'aura plus d'importance pour moi. Que vous vous en serez détaché. Que je m'en serai détachée.